Les Jeux Olympiques, 776 avant J.C., 1896. Première journée des Jeux, 25 mars. C'était le 25 mars, jour où la Grèce célèbre sa fête nationale, qui jamais peut-être, depuis son institution, n'avait revêtu un tel éclat. Dès le matin, le mouvement et l'animation qui régnaient dans les rues d'Hermès, du stade et sur la place de la Constitution, offraient un spectacle indescriptible. À tout instant retentissaient les airs joyeux des musiques envoyées par les sociétés philharmoniques de Zante, de Leucade, de Lorium, de Patras, etc., qui venaient prendre part aux fêtes des Jeux Olympiques et qui se rendaient toutes, en ce moment, à la place de la Constitution. Vers 11 heures, la famille royale et les princes étrangers présents à Athènes se rendent à l'église métropolitaine où l'on chante un tédéum. Sur tout son parcours, le cortège royal est vivement acclamé. Mais ce qui excite par-dessus tout l'intérêt de la foule, c'est l'attente de l'ouverture des Jeux Olympiques internationaux, dont l'inauguration doit avoir lieu l'après-midi au stade panathénaïque. Dès le matin, tous s'empressent de se procurer des billets d'entrée. La grande maison Mélas, où se trouvent les bureaux du comité des Jeux Olympiques, est littéralement assiégée par une foule immense. Dans les rues, des groupes nombreux et bruyants se forment autour des revendeurs de billets. Tous se pressent, se heurtent pour obtenir les meilleures places, et la police est obligée d'intervenir pour empêcher toute tentative de spéculation. À partir de midi, la foule commence à affluer vers le stade. De tous les points de la ville se mettent en marche de nombreux groupes composés de personnes de tout âge et de toutes conditions. Les voitures lancées à toute vitesse traversent les rues, tandis que les trains continuels transportent, du Pirée à Athènes, une foule innombrable de voyageurs. Un immense rassemblement occupe tous les alentours du Zépéion. Une masse noire, qui grandit toujours, couvre tous les chemins qui aboutissent au pont du stade, et au milieu du murmure confus de la foule, on distingue à peine les cris perçants des vendeurs de rafraîchissements. Au milieu de cette cohue, l'ordre le plus parfait ne cesse pourtant de régner. Des agents de police et des gendarmes à cheval sont placés sur le boulevard d'Héro-d'Atticus, situé derrière le jardin royal, et sur le boulevard Olga, près de la grotte des Nymphes, pour empêcher la circulation des voitures. Il n'est permis qu'aux carrosses des autorités et à ceux des invités officiels de passer par ces avenues ou de stationner vis-à-vis du pont. La foule envahit le stade et bien avant l'heure fixée pour l'inauguration des Jeux, la plupart des places étaient déjà occupées. Un des kerkides de la Sphandonée était réservé aux députés officiels. En ce moment, le spectacle est magique. Les toilettes diverses des dames, leurs coiffures variées, le mouvement de leurs éventails au milieu de la masse noire de plusieurs milliers de spectateurs, les brillants uniformes et les aigrettes des officiers, les couleurs éclatantes des drapeaux flottants, l'enceinte vivante des spectateurs qui, dépourvus de billets, occupaient le sommet des collines qui environnent le stade. Tout cela forme un ensemble tout à la fois curieux et imposant. Le monticule qui domine le bras droit du stade offre surtout un spectacle pittoresque. Vu de l'intérieur du stade, il semble composé d'une pyramide de têtes. La décoration du stade est réellement splendide. À l'entrée sont placés des mâts élevés, surmontés d'étendards et ornés d'écussons. De chaque côté de la façade sont des trépieds imités de l'art antique. Tout autour de l'enceinte du stade sont des hampes ornées d'écussons. De chaque côté de la sphandonée sont placés les Hermès découverts pendant les fouilles. Les gradins sont recouverts de petits coussins sur lesquels s'assoient les spectateurs. Dans l'arène et le champ de course se promènent les membres des diverses commissions, les doyens et autres fonctionnaires. Les musiques font ensuite leur entrée en jouant divers morceaux. À 15h15, la famille royale fait son entrée. À ce moment, le prince héritier, le prince Georges, le président de la commission des Jeux, le conseil des ministres, les autorités et les membres des diverses commissions vont à sa rencontre à l'entrée du stade. Quelques instants après, la famille royale s'avance au milieu de la reine. En tête sont le roi, en tenue de général d'infanterie, et la reine, vêtue de blanc, viennent ensuite la princesse Marie et son fiancé, le grand-duc Georges Mikhaïlovitch, la princesse Sophie et les autres membres de la famille royale, suivis du personnel de la cour, du conseil des ministres, des autorités civiles et militaires et des commissions des Jeux. Les musiques entonnent l'hymne royal, les spectateurs debout se découvrent et acclament les souverains. Ce moment est saisissant et le spectacle indescriptible. Les souverains prennent place sur les sièges de marbre recouverts de velours rouge qui leur sont réservés. Sa Majesté le Roi se lève alors et d'une voix sonore prononce les paroles suivantes. « Je proclame l'ouverture des premiers Jeux olympiques internationaux à Athènes. » Des milliers d'acclamations répondent de tous côtés à ces paroles du roi. Dès que le silence se rétablit, toutes les musiques se réunissent au centre de l'arène et se complètent par l'adjonction de nombreux instruments à cordes et par une foule de chanteurs. M. Spiridion Samaras, maestro Hélène, prend la direction de cet immense orchestre. Le comité des Jeux olympiques avait chargé le compositeur Samaras de mettre en musique la cantate des Jeux olympiques. Ces paroles, qui sortent de la poitrine d'un si grand nombre de chanteurs, accompagnés de plusieurs centaines d'instruments, remplissent les airs d'un immense flot d'harmonie. Cet hymne, chanté en plein air et en plein soleil, au milieu de plusieurs milliers de spectateurs profondément émus, a quelque chose d'antique et d'imposant. Mais le moment solennel est enfin venu. Les Jeux vont commencer. Déjà, lors de l'entrée de la famille royale, les athlètes des différentes nations s'étaient placés dans le champ de course sur une double ligne et la régularité harmonieuse de leur forme avait attiré la curiosité du public. Le son du clairon se fait entendre. Le premier concours va avoir lieu. Les diverses musiques abandonnent l'arène et vont prendre place sur différents points des gradins, d'où, pendant les entractes, elles font entendre quelques marches. Du vestiaire, situé sous le tunnel, sortent les concurrents qui vont prendre part à la première course. Ils sont tous légèrement vêtus, une chemise de flanelle, des caleçons courts et des souliers de toile. Ils portent sur la poitrine un numéro correspondant au numéro d'ordre de leur inscription. Le nombre des champions s'élève à 21, et comme ils ne peuvent pas courir tous ensemble, on les divise en trois groupes. Les vainqueurs de chacune des séries reçoivent des applaudissements frénétiques. Quelques instants après, a lieu le concours du triple saut. Ce jeu, assez répandu en Grèce, excite la curiosité du public. 10 concurrents y prennent part, ils sautent tous l'un après l'autre, mais on s'aperçoit immédiatement de la supériorité de l'Américain Connolly. Un jeune Français élevé à Athènes, M. Tufferi, se fait remarquer par sa souplesse. M. Persakis déploie aussi dans ce genre d'exercice beaucoup de grâce et de légèreté. Enfin, M. Connolly l'emporte par un saut de 13,71 m. Sur un tableau noir est inscrite la longueur du saut de l'Olympionique Connolly, membre de l'Athletic Club de la ville de Suffolk, et le pavillon étoilé des États-Unis est immédiatement hissé au mât placé à l'entrée du stade par des matelots de la marine royale préposés à cet effet. Les spectateurs applaudissent avec enthousiasme et unissent leurs acclamations aux vivats bizarres et prolongés des compatriotes du vainqueur. Le dernier, mais le plus intéressant des sports de la première journée des Jeux, est le lancement du disque. Le soleil commence à décliner et la fraîcheur du mois de mars à se faire sentir. Nombre des concurrents, 11, dont un Français, un Suédois, un Américain, un Anglais, 3 Danois, un Allemand et 3 Grecs. Ce concours, plus que tous les autres, revêt un caractère international tout particulier, par suite de la nationalité diverse des champions qui prennent part. Tous debout, ayant un pardessus ou un manteau sur les épaules, car le temps a commencé à fraîchir, ils viennent à tour de rôle lancer le disque. À la manière gauche dont le lancent quelques-uns, on voit tout de suite qu'ils sont complètement inexpérimentés. Au contraire, l'habileté et les mouvements gracieux des discobol Hélène font une profonde impression sur les spectateurs et excitent l'admiration des étrangers. M. Persis, surtout, a des attitudes dignes des poses harmonieuses des athlètes antiques. Il est d'une beauté sculpturale, les formes du corps sont parfaites. La plupart des concurrents abandonnent peu à peu la lutte, qui se réduit ainsi à un duel entre M. Garret et M. Paraskevopoulos. Le champion Hélène lance pour la dernière fois le disque à 28,95 m. De nombreux applaudissements et de vives acclamations s'élèvent de tous côtés car les spectateurs sont persuadés que la victoire est acquise à M. Paraskevopoulos. Mais M. Garret parvient à lancer le disque à 29,15 m, il est donc déclaré vainqueur définitif, l'ayant emporté de 19,5 cm sur son adversaire. Un certain abattement s'empare des spectateurs lorsqu'ils apprennent ce résultat, ce qui ne les empêche pas d'applaudir avec enthousiasme quand, pour la seconde fois, on hisse le pavillon étoilé des États-Unis. La famille royale se retire au milieu des acclamations des spectateurs. Toutes les musiques exécutent l'hymne royal. La foule immense qui couvrait les gradins du stade se répand dans la ville. Le soir, la fête est splendide. La ville est littéralement inondée de lumière. La rue du Stade, les places de la Concorde et de la Constitution avec leurs arcs de lumière placés de distance en distance sont d'un effet magnifique et font l'admiration de tous. Dans les principaux centres, l'affluence de la foule offre un spectacle jusqu'alors inconnu à Athènes. Les concurrents étrangers attirent surtout la curiosité et les sympathies du public. Les diverses corporations exécutent une brillante retraite au flambeau avec le concours des diverses musiques qui étaient venues prendre part aux fêtes. C'est ainsi que se termina la première journée des Jeux.